T'avais pourtant cru que cette fois c'était bon. Bien tout répondu, bonne présentation. Des échecs passés, il faut retenir les leçons. Ça commençait pas mal, t'avais déjà vu pire. Tu tenais bien la barque et même le navire. T'aurais jamais cru que tu comme un con. Comme quoi il faut jamais se fier aux apparences. À quiconque comme toi je recommande la prudence. Cette race est pourtant une des plus dangereuses. Pourtant t'es prêt à n'importe quoi pour les rendre heureuses. Elle t'attira et tu te poser de questions. Toi, elle commence à te construire ta prison. Fini tes pensées, fini tes désirs. Si tu penses comme elle, ça devrait suffire. Vas-y, fais autrement et là tu vas sentir le harpon, le harpon, le harpon, le harpon. Comme quoi il faut jamais se fier aux apparences. À quiconque comme toi je recommande la prudence. Cette race est pourtant une des plus dangereuses. Surtout si jamais tu as une parole malheureuse. Toi t'aurais aimé faire un peu comme tu veux. Sortir, boire et manger, mais pas tout le temps à deux. Même que des fois t'aimerais pas rentrer du tout. Mais là tu vas sentir la bribe sur ton cou. Tu vas sentir la bribe sur ton cou. Apparence.